Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Sorcières, une série de Céline Duchesnay réalisée par Laurent Polleret. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui fréquente des sorcières. Le plaisir de jouer avec le mot et l'idée de la sorcière comme femme puissante ou laideron à nez crochu. Et des foules d'images fascinantes ou de contes à faire peur. Chaudron, manche à balai, sortilège, beauté vénéneuse, maléfices et démons au coin du bois. Mais surtout, depuis toujours, il y a des hommes qui ont peur des femmes savantes. Il y a donc aussi, pour commencer, ces femmes âgées, isolées, indépendantes, qui vivaient seules et soignaient le voisinage. De ces mémés à qui on ne la fait pas, à la langue bien pendue et qu'on a voulu pousser hors du cadre, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent sur les écrans de cinéma. Alors pour commencer, les personnages. Michelet et son histoire lyrique, une historienne, une sorcière positive, de vieilles autodidactes, des séductrices, Circé, Maléfice, la sorcière au visage vert, une danseuse et un dessinateur hanté par les histoires de sa grand-mère. Ensuite, le décor. Des remèdes ancestraux, de l'exclusion, une quenouille, les vers de Shakespeare ou ceux d'Homère, l'ubiquité, Shining, la putréfaction, des estampes, des images de dessins animés, des corbeaux et la Hexentanz. Aujourd'hui, 3e épisode, fermez bien vos portes. Vieille femme diabolique, belle et jeune séductrice, femme marginale et romantique, du rôle de méchante à celui de personnage fort et féminin dans la pop culture, les sorcières sont légion dans la littérature, le cinéma, les contes, les arts en général. Comment, Marianne Clesson, est né le personnage de la sorcière dans la littérature ? Il faudrait dire que la sorcière est par essence fictionnelle. Il n'y a jamais eu de sorcière en réalité, encore moins de sorcière démoniaque, il n'y a jamais eu de sabbat. Mais je voudrais insister sur le fait que la sorcière démoniaque telle qu'elle s'est construite au XVIe siècle a aussi des origines littéraires, c'est-à-dire qu'elle a été construite à partir de textes littéraires, en particulier antiques. Et on rappellera cette phrase de Jean Bodin dans La démonomanie des sorcières qui dit « Et ce que dit Homère de la sorcière Circé qui changea les compagnons d'Ulysse en pourceaux n'est pas fable ». C'est-à-dire que dès l'origine, dans cette figure, il y a une dimension littéraire. Bon, c'est une figure qui a été principalement construite au temps des humanistes, donc il y a cette fascination pour la culture antique. Et on va trouver dans la culture antique la preuve que la sorcière existait déjà et existait en fait de tout temps. Donc, sur la construction fictionnelle de la sorcière, il y a toute une part littéraire qui est là dès l'origine en fait, hein, et qui explique probablement la fascination qu'exerce cette figure, à la fois sur les démonologues eux-mêmes, puisque, mais je voudrais quand même insister sur une chose, c'est la nouveauté du sabbat, hein, c'est que le sabbat c'est quand même là une invention, on peut dire, de la sorcellerie démoniaque, qui va érotiser la figure de la sorcière. C'est cette érotisation de la sorcière qui explique la fascination que la figure exerce dans l'imaginaire occidental. Nicole Jacques Lefebvre. Alors que pendant très longtemps, l'Église avait refusé de reconnaître la sorcellerie comme réelle, à partir de la fin du XVe siècle, il y a un retournement et la figure de la sorcière apparaît, en particulier dans le premier grand texte démonologique qui est Le marteau des sorcières. À ce moment-là, la sorcière apparaît comme une figure déjà fictionnelle, puisqu'elle est en fait fabriquée à partir de souvenirs littéraires, dont les souvenirs antiques, mais aussi de bribes de cultures diverses, à la fois de ce que les accusés peuvent transmettre de leur vie personnelle, mais qui n'a strictement rien à voir avec la sorcellerie démoniaque, et puis de traditions folkloriques, comme les bonnes dames de la nuit, la chasse sauvage, enfin toute une série de figures qui préexistaient à la chasse aux sorcières, mais que la chasse aux sorcières va récupérer et réintégrer dans un modèle général. Alors, à mesure qu'on va progresser dans la chasse aux sorcières, les manuels de démonologues vont devenir de plus en plus précis et vont créer une véritable figure totalement fictionnelle, encore une fois, puisqu'elle n'a pas grand-chose à voir avec la réalité des accusés, mais qui va créer une figure, je dirais, archétypale de la sorcière. Une figure qui va définir la sorcière depuis ses enfances jusqu'à le bûcher, qui est en général la fin de la sorcière. Elle est dite née dans une famille qui est déjà sorcière, elle est vouée à l'errance, elle rencontre le diable soit parce qu'elle est vouée par ses parents déjà au diable, soit elle le rencontre dans des périodes où elle est dans un état de faiblesse psychologique, souvent, ou dans la misère, et puis le diable l'emporte au sabbat. Alors ça, c'est la grande figure qui va conditionner, en fait, l'attractivité de la figure de la sorcière. C'est l'existence du sabbat, qui est une grande fête de la transgression, où la sorcière est supposée se vouer au cannibalisme, à l'inceste, à la copulation avec le diable, etc. Donc, c'est cette figure-là du sabbat qui va faire de la sorcière une figure particulièrement effrayante, parce que ce n'est plus la jeteuse de sorts de la sorcellerie populaire, mais c'est une personnalité qui est vouée au diable et qui se voue à la destruction, non seulement de ses contemporains, mais de l'Église et même de l'État, puisque de plus en plus, la sorcellerie va être jugée par des instances civiles. Quand est-ce que ce personnage fictionnel de sorcière, qui transparaît dans les traités de démonologie, dans les procès, se retrouve un jour dans la littérature, en dehors d'un contexte pur de chasse aux sorcières? Oui, alors c'est très complexe, parce que comme le disait Marianne, en fait, la figure, elle est déjà dans la littérature, bien avant. Ce qui va essentiellement, je crois, faire basculer les choses, c'est Michelet. C'est-à-dire que Michelet, c'est un peu compliqué, Michelet, parce que à la fois, il s'est trompé sur l'origine du sabbat, c'est-à-dire qu'il a été trompé par l'existence d'un faux qui a été créé au XIXe siècle par un dénommé Lamothe Langon et qui supposait un sabbat au Moyen-Âge. Donc il va y croire et la figure de la sorcière qu'il crée va au sabbat dès le Moyen-Âge, hein, puisque sa figure de sorcière, en fait, il fait une chronologie mythique, hein, qui l'amène depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, en quelque sorte. On peut rappeler que la sorcière est sortie en 1862. Voilà, en 1862. Et donc, de ce côté-là, cette idée qu'on trouve encore aujourd'hui chez beaucoup de personnes, hein, que le sabbat des sorciers, ça existe au Moyen-Âge, ça vient de Michelet. Donc, ce que fait Michelet, c'est de créer une figure de sorcière, et il va retourner, en quelque sorte, l'image que donnent les démonologues de leurs accusés. C'est-à-dire que là où les démonologues voyaient une figure négative, ils vont faire une figure positive. Là où les démonologues disaient que la sorcière était totalement ignorante, que c'était simplement le diable qui agissait à sa place, il va en faire une figure qui est à l'origine du savoir scientifique, à cause de sa libido sciendi, justement, à cause de sa curiosité pour le savoir, mais qu'on a étouffé justement parce qu'on ne veut pas savoir que le savoir vient de là. Il n'y a que Paracelse qui a dit que tout son savoir médical venait des sorcières. Donc il va prendre cette figure, il va la retourner, donc origine du savoir, et puis tout ce que les démonologues lui attribuent de négatif du côté de la sexualité, du rapport à la mort, du rapport au corps, il va aussi le retourner positivement en montrant qu'en fait elle est l'expression de la grande douleur du peuple au Moyen-Âge et que, parce que justement, elle est en relation avec la naissance, les sorcières sont souvent des sages-femmes, avec la mort, c'est elle qui évoque les morts, c'est elle qui soigne les vivants, mais qui est aussi capable naturellement de tuer, puisqu'elle est capable de soigner, qui est en relation avec la sexualité, puisqu'elle est capable de donner des filtres d'amour pour faire aimer, mais aussi de nouer l'aiguillette, puisqu'elle peut aussi interdire la sexualité. Il va retourner tout cela en faire une figure complètement positive. Et cette figure-là, dans la mesure où il l'incarne véritablement, hein, dans ce personnage qui rencontre les petits démons, qui va dans ses réunions nocturnes, la nuit, qui est chez les démonologues la figure négative par excellence, puisque c'est la figure du secret, c'est la figure du diable. Lui, il en fait une figure positive de la sorcière nocturne. La nuit, c'est la figure de la poésie, en fait. Donc, cette figure éminemment poétique va s'imposer, et à mon avis, c'est une des sources essentielles de la littérature moderne de la sorcellerie. Elle regarda tout autour et la nature était changée. Les arbres avaient une langue, comptaient les choses passées. Les herbes étaient des simples. Telles plantes qu'hier elle foulait comme du foin, c'étaient maintenant des personnes qui causaient de médecine. Elle s'éveilla le lendemain en grande sécurité, loin, bien loin de ses ennemis. On l'avait cherchée. On n'avait trouvé que quelques lambeaux épars de la fatale robe verte. S'était-elle, de désespoir, précipitée dans le torrent? Avait-elle été vivante, emportée par le démon? On ne savait. Des deux façons, elle était damnée à coup sûr. Marianne Clausson. Alors moi, je ferai remonter le passage de la sorcière dans la littérature à une date bien antérieure. D'abord, si on prend la sorcière comme personnage doté de pouvoirs surnaturels maléfiques, il est évident que c'est à partir de la littérature fantastique, qui date donc de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, que l'on voit apparaître la sorcière comme personnage littéraire, très présent donc dans les fictions fantastiques en particulier. Mais en réalité, dès le XVIe, XVIIe siècle, ce personnage avait déjà basculé dans la fiction. J'entends bien la fiction littéraire, parce que les sorcières de Macbeth ne sont pas des sorcières réelles. Elles, bien sûr, elles sont la condensation de différents héritages, des héritages folkloriques, des héritages de la sorcellerie populaire, des héritages de la sorcellerie littéraire, mais ce ne sont pas des sorcières réelles. Hein, elles jouent un rôle dans l'histoire. Et donc, on a aussi ça chez Cervantes, le dialogue des chiens. Donc, on a déjà ce passage dans la littérature de la figure de la sorcière, disons au moment même de la sorcellerie démoniaque. Alors, il faut savoir que bon, il y a une théorie qui veut que un personnage ne peut devenir fictionnel qu'à partir du moment où on n'y croit plus dans la réalité. Or, la sorcellerie démoniaque pose ce problème que, alors qu'on brûle les sorcières, on a quand même des sorcières éminemment fictives. Par exemple, dans le ballet de cour, hein, donc c'est un genre qui est fait pour amuser au XVIe, XVIIe siècle. C'est un genre que donc on danse dans des ballets. Il y a des sorcières qui dansent ces ballets. Et bien sûr, ce sont pas des sorcières réelles, ce sont des sorcières fictives et qui amusent le public. Donc on a déjà le passage dans la fiction littéraire avec des déguisements, j'imagine. Avec des déguisements, avec la possibilité de faire des enchantements, des maléfices, qui est quand même le clou du spectacle. Donc elles sont déjà utilisées, la figure de la sorcière, confondue avec la magicienne maléfique de l'Antiquité, mais qui a quand même des tas d'éléments de la sorcière du sabbat, c'est-à-dire qu'on trouve des sabbats des sorcières dans les ballets de cour au début du XVIIe siècle, de véritables sabbats, on voit rassembler les diables, etc. Donc on voit qu'on est déjà passé dans la fiction et que cette figure qui, dans le même moment, monte sur le bûcher, est déjà devenue une figure imaginaire, fascinante, et ça dès le XVIe, XVIIe siècle. Alors, on sait que c'est au XIXe siècle qu'elle va quand même renaître. Et avant Michelet, hein, je dirais quand même, la sorcière est bien présente dans la littérature avant Michelet. Et elle est présente sous deux formes. La jeune sorcière séduisante. Hein, donc ça, c'est l'éros satanique, d'une certaine façon. Et de l'autre côté, la vieille sorcière monstrueuse. Et donc, on a deux visages antithétiques de la femme qui sont présents dans la littérature du XIXe siècle, qui sont toujours présents, d'ailleurs, et qui représentent, disons, cette figure, disons, protéiforme de la sorcière dans la littérature. Pourquoi ces deux visages qui sont a priori opposés? C'est peut-être le même visage. parce que l'un des enchantements possibles du diable, c'est de séduire un jeune homme en apparaissant sous une forme gracieuse et de se révéler finalement soit un cadavre monstrueux, soit une vieille femme. Et en réalité, cette sorcière tentatrice, bien sûr, c'est l'ave éternelle. Hein. Donc, ça reprend un véritable topos que l'on trouve dans toute la littérature. Donc, effectivement, c'est normal que le diable puisse aussi avoir ce côté séduisant. Hein. Sinon, il ne serait pas si attirant que ça. Et quant à la vieille sorcière, ça renvoie, disons, à la vérité historique, parce que souvent, en réalité, les sorcières, ce sont des vieilles qui sont, pas toujours, hein, parce que chez Delangue, c'est pas le cas, mais souvent, quand même, de façon anthropologique, on sait que la sorcière, c'est la vieille femme qui est exclue du village, c'est la veuve, ça serait une vérité historique de la femme isolée, veuve, sans soutien, et peut-être le fait qu'elle est veuve, il y a l'idée que peut-être qu'elle porte malheur, puisqu'elle n'a pas de famille, donc on a toute une série d'éléments, qui montre que finalement dans les procès des sorcières on a souvent des vieilles quand même, hein, enfin, ou des femmes isolées, pas toujours, hein, il y a des exceptions, mais c'est quand même le topos. Mais on a aussi peut-être aussi beaucoup d'hommes dans les sorcières. Oui, c'est vrai, on a aussi beaucoup d'hommes, mais on a aussi l'image antique là de la vieille entremetteuse sorcière qui fabrique des charmes, soit pour se faire aimer elle-même parce qu'elle est vieille et plus personne ne l'aime, soit pour permettre à un jeune homme ou une jeune fille d'aimer. Et c'est la fameuse Célestine, hein, la grande figure de la Célestine, qui elle aussi date du début du XVIe siècle. Donc on a vraiment la sorcière dans la littérature, elle est déjà bien présente depuis longtemps en fait. Mon Dieu, voici Maléfique! Que vient-elle faire ici? Chut! Mais il y a là tout le beau monde, roi Stéphane. Leurs altesses, la noblesse, l'aristocratie. Et il y a aussi la racaille. Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir eu d'invitation. Votre présence n'était pas désirée. Vraiment? Ah! Oh, et vous osez l'avouer sans honte? J'avais espéré que ce n'était là qu'un fâcheux oubli. Mais puisqu'il en est ainsi, ma foi, je m'en vais. Oh! Que votre Excellence excuse cet incident. Bien sûr, votre majesté. Je l'excuse au point que je vais, moi aussi, m'occuper de l'avenir de cet enfant. Ouvrez bien vos oreilles. La princesse, en grandissant, aura la grâce et la beauté. Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. Oh non! Emparez-vous de cette sorcière! Nul ne m'arrêtera! Philippe Rouillet, vous êtes collaborateur à Mauvais Genre sur France Culture, critique de cinéma à la Revue Positif. Quel serait votre coup de cœur pour une sorcière du cinéma, votre sorcière préférée? Alors j'en ai deux. Historiquement, il y a Maléfique, la sorcière de La Belle au Bois Dormant, parce que je l'ai vu quand j'avais 6 ans, le film. Le film m'a totalement traumatisé. Et ce qui m'a traumatisé, au-delà de la sorcière et de ses pouvoirs magiques, parce que dans La Belle au Bois Dormant, la sorcière est ubique. C'est-à-dire qu'elle peut apparaître comme ça, même s'emballer, elle se téléporte et elle peut apparaître au milieu de votre carré comme ça. Et donc ça, c'était quelque chose qui me terrifiait. J'avais peur que la sorcière se matérialise dans mon lit. Et en même temps, je la trouvais très troublante sensuellement. Elle était magnifique, cette sorcière. Et l'autre sorcière qui me touche vraiment, qui est dans mon panthéon personnel, c'est celle de Shining. Parce que dans Shining, qui est pas vraiment un film de sorcière, qui est un film de maison hantée, plus exactement d'hôtel hanté, dans la chambre 236, où le petit Danny dit à son père qu'il y a une dame qui l'a étranglé, Jack Nicholson va voir. Il est très méfiant et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Une superbe créature qui est en train de prendre son bain, donc évidemment entièrement nue puisqu'elle prend son bain, et qui se lève pour l'accueillir. Et lui, il peut pas résister évidemment à l'étreindre. Et le spectateur est très sidéré et très captivé par ça. Et tout d'un coup, le spectateur, comme Jack Nicholson, on est dans une salle de bain, donc il y a des miroirs un peu partout, regarde dans le miroir et il s'aperçoit que la femme qu'il a dans les mains est un cadavre en putréfaction. Kubrick joue magnifiquement de l'espace, c'est-à-dire que il a un moment de d'effroi et donc il se sépare de cette étreinte et tout en titubant vers la sortie, la sorcière est à la fois debout et continue à lui ouvrir ses bras, mais vraiment ses bras moisis avec la chair qui tombe, et en même temps elle est dans le bain en train de ricaner, et là encore, dans son état de moisissure. Et cette image est totalement saisissante, parce qu'elle confond la beauté, la jeunesse et la mort, puisque c'est un cadavre sur pattes. Et c'est vraiment ça, la sorcière. C'est-à-dire qu'elle a une maîtrise de l'espace, du temps, et évidemment de son propre corps. Maxime Préau, vous êtes conservateur général honoraire des bibliothèques et je voulais savoir si au moment où l'on brûlait des sorcières, il y avait déjà des images pour les représenter. Difficile de dater les choses de façon très très précise, hein, mais effectivement c'est à peu près concomitant puisque c'est dans les stands d'abord qu'on va avoir des images des sorcières et qu'elles vont pouvoir se diffuser. Dans l'Europe occidentale, l'estampe se développe surtout à partir de la fin du XVe siècle et XVIe siècle, et ensuite le XVIIe, bien sûr. Donc, c'est à peu près à la même époque que la chasse aux sorcières se développe dans les mêmes régions. On voit déjà des miniatures, dès le XVe siècle, représentant des sorcières. La plus innocente de ces représentations, c'est deux sorcières sur leur balai dans les marges d'un manuscrit de Simon Lefranc. Et puis, autrement, plus inquiétante, à propos de la secte des Vaudois de Jean Tinctor, trois magnifiques miniatures flamandes qui montrent une réunion de sorcières en train de faire l'hommage au diable. Alors, comment justement, si on se met à la place d'un individu qui ouvre ces livres, les deux livres dont vous venez de parler, comment est-ce qu'il peut savoir qu'il s'agit de sorcières? Pour Martin Lefranc, donc ce manuscrit dont vous parlez, Le Champion des Dames, c'est parce que il y a le balai. Oui, parce qu'il y a deux femmes sur des balais, mais des femmes tout à fait qui vous ressemblent, hein, qui ne sont pas du tout. Ils sont habillées normalement. Qui sont habillées normalement, etc. Simplement, elles chevauchent des balais et on les appelle dans le texte des ramassières. Donc, c'est une idée, une représentation plus ou moins folklorique que l'on fait passer ensuite pour des sorcières, voilà. Mais c'est le balai qui est là le chaînon. Est-ce que vous savez d'où il vient ce balai? Je pense justement qu'il s'agit des activités qu'on qualifierait aussi de folkloriques. La fiancée qui fait le tour de sa maison avec un balai en espérant trouver un mari. Enfin, des idées comme ça, vous voyez, c'est des idées, dans la plupart des cas d'ailleurs, mais il me semble, beaucoup d'imagerie de la sorcellerie dérive des superstitions populaires, enfin, ou des coutumes populaires. À partir de quel moment on peut la reconnaître au premier coup d'œil, la sorcière dans une image? Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où est-ce que Durer ça correspond à un moment où elle va être représentée de manière assez plus, enfin de manière plus stéréotypée? Toi, c'est vraiment une question délicate. Aujourd'hui, on se facilite beaucoup la chose parce qu'on est complètement intoxiqué par la culture américaine. Et donc, on pense tout de suite aux sorcières de Salem. Et toutes les sorcières ont un chapeau de puritain. Ce qui est complètement ridicule, évidemment, pour des représentations de sorcières bien françaises ou bien européennes. Comme bien souvent, c'est les attributs qui vont déterminer la figure de la sorcière. Donc, si elle a un balai à la main, pas de problème, c'est une sorcière. Je veux dire, si elle est à cheval sur le balai, encore plus. Si elle se promène avec des chèvres, elle peut être un petit peu douteuse. Voilà, si sur son habit... qu'elle porte, il y a un petit signe, genre une étoile ou un signe qui ressemble vaguement à un signe du zodiaque, quelque chose comme ça, on va tout de suite penser qu'elle tourne du côté de la magie, qu'elle a traficoté dans les grimoires, etc. quoi. L'artiste, il va être plus ou moins inventif et il va se conformer plus ou moins à un topos. Et il va la représenter vieille, le teint brun, ridé, denté, voilà quoi. L'apparition la plus marquante de la sorcière au cinéma, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937. Est-ce qu'il y a des images de la sorcière avant ? Avant, il y en a forcément. Là, on est en 37, c'est le premier long-métrage animé de Walt Disney. Mais en fait, il y a des images de sorcière dès le cinéma muet, parce que la sorcière, c'est une imagerie. Donc, sans avoir à expliquer les choses, même dans les courtes bandes de Georges Méliès, on en trouve. Et puis, il y a le grand film de Hans Christensen, Accent, la sorcellerie à travers les âges, en 1925, qui est une espèce de brassage de l'image du sorcier, des sorcières, et où, via Goya, on croise des images de sorcières telles qu'on se les représente. Elles ressemblent à quoi ? Elles ont déjà leur chaudron, elles ont déjà le chapeau, et puis le sorcier, le mage, voilà. Tout est déjà là dans une sorte d'imagerie. Est-ce que c'est essentiellement une sorcière ou y a-t-il des sorciers et des sorcières ? Il y a les deux, parce que le titre, c'est la sorcellerie. C'est comme si c'était une série de petites histoires, une série de cas. Mais après, évidemment, pour le grand public, ça se fige avec Disney. Parce qu'évidemment, le succès est planétaire, même si Disney, au début, est réticent. C'est-à-dire que les gens lui disent d'une part qu'il est fou de faire un long métrage animé, et les gens vont dire, est-ce que tu crois que tu vas faire peur avec une sorcière en dessin animé ? Et est-ce que tu crois que les gens, ça va les intéresser de savoir ce que peut faire ce personnage de dessin animé ? Or, en fait, ça fonctionne au-delà de toute espérance. Et il y a bien des réalisateurs de films d'horreur, encore aujourd'hui, qui me disent que leur motivation pour faire des films d'horreur, c'est qu'ils voudraient recréer dans leurs films ce qu'ils ont vécu en regardant Blanche-Neige quand ils étaient enfants. C'est-à-dire le choc... C'est Blanche-Neige ou Bambi, hein, avec la mort de la mère. Les sensations que ça a pu procurer à des enfants, la peur par exemple de la cave, elle est souvent liée à Blanche-Neige. Et donc, cette volonté de faire des films d'horreur qui retrouvent, en quelque sorte, l'intensité pour adultes de ce que pouvait être le conte pour enfants. Et donc, pourquoi pas, à ce moment-là, utiliser l'image de la sorcière. C'est ce que fera Dario Argento, par exemple, dans Suspiria, en 1977. L'image de la sorcière est bien là. Et donc, si on revient à Blanche-Neige, on s'aperçoit que, au départ, la sorcière ne nous est pas donnée en tant que telle. Elle nous est donnée comme une reine. Et belle. Et cette belle femme est beaucoup plus intéressante que Blanche-Neige, jusque dans le trait du dessin. C'est-à-dire que il s'est vraiment appliqué à dessiner une belle femme, alors que si vous regardez Blanche-Neige, comme c'est censé être la pureté, l'innocence, le trait est beaucoup moins ferme et elle est un peu fade. Elle a des jolis habits, elle est d'une gentillesse, évidemment, qui est tout à fait craquante, mais celle qui a du piment, c'est évidemment la méchante. Je me rendrai moi-même au logis des nains et déguisée, de telle façon que personne ne pourra soupçonner qui je suis. Alors, trouvons une formule pour transformer ma beauté en laideur et changer mon manteau de souveraine en haillon. Poussière de momie pour me vieillir. Pour changer ma tenue du noir de nuit. Pour vieillir ma voix Un caquet de vieille mégère. On s'amuse de voir que dans sa cave, il y a le chaudron et les tubes à essai de voix, et en même temps, le corbeau et les grimoires. Pour blanchir mes cheveux, un hurlement d'effroi. Un vent de tempête attisera ma haine. Ajoutons encore la foudre au mélange final. Allons, qu'à présent s'exerce ton charme magique. Peut-être qu'avant, on voyait les sorcières avec leur pouvoir, mais là, on les voit vraiment dans une situation où est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Et de même, il y a un après. Il y a une poursuite, c'est-à-dire que les nains, ils arrivent trop tard pour empêcher que Blanche-Neige ait croqué la pomme, mais il va s'agir de poursuivre la sorcière. Et à ce moment-là, ce qui est beau, c'est que le ciel se met dans la partie. C'est-à-dire que ça devient l'orage, ça devient l'éclair, et c'est dans la boue que l'histoire va se finir. Comme si la sorcière devait se dissoudre dans quelque chose. C'est-à-dire que comment tuer une sorcière? Et dans Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, qui est un film en prise de vue réelle, qui est réalisé 2 ans après, qu'on peut pas s'empêcher de rapprocher de Blanche-Neige, parce que la méchante sorcière y est vraiment, elle évoque la vieille sorcière de Blanche-Neige. Si ce n'est que là, elle est sur son balai, elle vole, elle a le chapeau noir pointu, elle a des accessoires encore plus définis. Complètement définis, mais il y a le chaudron et il y a le visage vert, et le vert comme marque du surnaturel. C'est-à-dire que dans Le Magicien d'Oz, il y a le magicien qui est plutôt positif, lui, et qui est lui aussi vert. Dans sa cité d'Émeraude. Donc le vert est la couleur du surnaturel. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans le cinéma fantastique. Dans la forme de l'eau qu'on a pu voir cette année, le film de Guillermo del Toro, le vert dans le film représente le futur et le fantastique. Il y a une idée du vert dans l'histoire du cinéma qui peut-être naît avec Le Magicien d'Oz d'ailleurs. Mais en même temps, j'aime voir dans le teint vert de la sorcière du Magicien d'Oz un côté verdâtre, un côté très menaçant, un côté glauque au sens étymologique de glauque, qui est plus inquiétant que si elle était pimpante. Bizarre parce que tout à coup ça s'adoucit avec ces espèces de petits pas presque folkloriques, un peu japonisants, mais encore une fois ça dure pas longtemps. En fait, il y a toujours ce rythme, ces impacts hyper dessinés dans l'espace. Et là, la figure est complètement barrée dans son truc là, dans le chaudron, je sais pas trop ce qu'elle prépare. Elle nous embarque dans son récit. Oh. Latifa Alabissi, vous êtes chorégraphe et danseuse. Pourriez-vous nous présenter la danse de la sorcière de Mary Wigman, danse qui a été créée en 1914? L'une des choses importantes à dire, je pense, sur cette danse, c'est que c'était un ovni quand elle est arrivée. Enfin, en tout cas dans le paysage chorégraphique du début de la modernité en danse en Allemagne. Mais c'est toujours un ovni aujourd'hui. La façon dont elle tient en proie le public pendant toute la danse, la façon dont elle est ancrée dans le sol, assise au sol. Bon, ça, je pense, c'était aussi très transgressif à l'époque, d'être une femme assise, parfois les jambes ouvertes, enfin voilà. Donc il y a comme ça des motifs au sens presque des dessins chorégraphiques qui sont très appuyés et très transgressifs. Donc c'est une danse très affirmée. Et la musique qui est live et qui suit la danse, qui est un instrumentarium de percussion, augmente aussi cette présence parce qu'elle vient vraiment bruiter presque la danse. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que la musique sort de ce corps. Et c'est étonnant parce qu'elle disait ça de sa danse, que quand elle a commencé à travailler cette danse, c'est arrivé après une insomnie où elle dit « j'ai été prise d'une intoxication rythmique ». Une illustration presque de cette intoxication rythmique, mais qui après offre aussi plein d'entrées en fait, parce que la sorcière, c'est une figure. Et donc il y a un récit aussi dans cette danse. Cette danse de la sorcière, qui lui semble venue de l'intérieur comme ça, elle est comment, sa sorcière, à elle, quand elle danse? À quoi ressemble cette sorcière? Elle est un mélange entre des archétypes, c'est-à-dire, on pourrait dire, ses mains, par exemple, quand même crochues. Donc ça, on l'a vu, enfin, voilà, on peut le voir dans plein d'illustrations, dans plein de représentations, surtout iconographiques. Vraiment, la sorcière, quand je dis archétypale, qui prépare sa potion, il y a un mouvement comme ça des mains, on a vraiment l'impression qu'elle tire des fils, qu'elle met des trucs, enfin voilà. Donc là, il y a du récit presque explicite. Je pense que quand on regarde, je me rends compte par exemple avec les enfants, quand ils voient cette danse, ils se racontent, enfin vraiment pour eux, c'est vraiment une sorcière qui est en train de préparer un mauvais coup, quoi. Il y a ces archétypes qui nous permettent d'accrocher un récit. Et puis, il y a aussi d'autres, le fait qu'elle porte un masque de son propre visage, qui donc est une expression finalement figée, mais très, très troublante, parce que je pense que pour le public, c'est pas si clair qu'elle a un masque. Et du coup, c'est très inquiétant comme figure. Et aussi, ce qu'elle se propose à elle-même en étant derrière ce masque, c'est comme si elle agit le masque, elle est agie par le masque. Enfin, ça donne à voir aussi, je pense, un véritable trouble, en fait, d'une figure qu'on peut pas... Elle est très polymorphe. Je pense qu'on peut pas se dire « Ah oui, d'accord, oui, c'est la sorcière que j'ai vue là ou que j'ai vue là ou elle est mise... » Ou, je sais pas, elle métaphoriserait ceci ou cela. Je pense qu'elle est très trouble. Et puis, quand elle se tourne, donc ça arrive... Après un long temps, parce qu'elle est très face, elle avance vers le public au sol, face au public. Et quand elle se tourne, alors qu'elle a presque toute la face du corps, y compris le visage, presque comme une carapace, elle se tourne et elle a ce dos nu. Mais vraiment, donc ça par exemple, ça fait partie pour moi de quelque chose qui trouble beaucoup la nature de cette figure. Parce qu'elle est comme presque en... pour exagérer un peu, en armure, quand elle se présente face et quand elle monte son dos, d'un seul coup, il y a une vraie vulnérabilité. On voit la peau du dos, de tout le dos, du haut de la nuque, presque jusqu'au sacrum. Donc c'est troublant, ça aussi, comme nature de nudité à cette époque-là. C'est assez troublant. Comment vous la ressentez, vous, cette sorcière ? Je ne peux pas me départir de la première fois que j'ai vu l'image de ce film, cette archive filmique de 26. C'était comme une explosion, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que quand je la danse, que je ne suis pas toute seule, qu'on est vachement nombreux dans ce corps, qu'on est une bande, enfin, qu'il y a presque une coalition qui... Voilà. Et ça, ce n'est pas du tout mental, c'est vraiment... C'est très physique. Alors, je sais pas, hein, chacun se raconte son petit récit. Ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais quand même, donc, c'est comme si c'est un corps qui en invite d'autres, quoi. Donc, il y a un peu, peut-être quelque chose d'un peu spectral, j'en sais rien. C'est pas qu'un truc que je me raconte pour m'accrocher à un imaginaire. Hein. C'est vraiment physique, en fait. Je sais pas comment le traduire avec des mots, mais ça me pousse en avant, ça m'aide à me lever, ça me donne le bon tonus, et je fais pas ça toute seule, je crois pas. Latifa Labissi, est-ce que vous êtes sorcière ? Oui, oui, je dirais que j'aime bien me dire et dire que je suis une sorcière. Et ça se voit en quoi ? Je pense que c'est ça se voit dans peut-être la façon dont on joue du visible et de l'invisible, dont on est à la marge, dont on est du côté du minoritaire, dont on peut mordre quand il est nécessaire de mordre. J'ai envie de dire que c'est pas le pouvoir, c'est la puissance. Oh, je pose le truc avant de courir et regarder derrière en courant. Progressivement, je change. Et là, je jette des sorts. Là, vers le bas. Au milieu. En haut. Je refais la carte des cas. Bon. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de figures, en fait. Ce truc de jeter des sorts avec les mains. Vers le bas, mais on a l'impression qu'il n'y a que les bras, mais en fait, il faut y aller avec le dos. Beaucoup d'énergie et beaucoup de pouvoir. Et là, bam ! Et ce dernier regard à le public, mais elle est pas. Elle lâche pas, elle continue à mordre le truc là, je pense vraiment à ça. C'est eux qui lâchent, c'est la lumière qui lâche, c'est le son qui lâche, mais c'est pas la figure. Tiens, on n'a pas trop envie de la croiser en pleine nuit, hein. Christophe Chabouté, vous êtes auteur et dessinateur, et on peut dire que la figure de la sorcière, du maléfice, du sort, traverse en tout cas quelques-uns de vos albums, avec par exemple Zoé, qui est sorti en 1999, Pleine Lune en 2002, et bien sûr Sorcière, au pluriel, en 2001. Alors, pourquoi la sorcière vous intéresse-t-elle ? Je suis alsacien d'origine et j'ai grandi à la campagne. Donc j'ai vécu dans une région en Alsace qui était assez réputée comme étant un des hauts lieux de la sorcellerie. J'ai baigné là-dedans quand j'étais petit. Ma grand-mère, pour me filer les pétoches, me racontait des histoires de sorcières, dont une que j'ai mis dans l'album, avec le chat. Toutes ces ambiances-là un peu rurales, de ces ambiances un peu lourdes, ces ciels lourds, ces champs labourés, et puis ces espèces d'ambiances bizarres dans les villages, ben, je l'ai un petit peu connu, quoi. Et comment est-ce qu'on vous présentait les sorcières quand vous étiez enfant ? Ah ben on essayait de me filer, ma grand-mère essayait de me filer les pétoches, donc automatiquement c'était une vieille dame avec un fichu qui regardait de travers, qui avait le dos courbé, qui marchait, les gens s'écartaient d'elle quand elle traversait le village, et le cliché, vraiment le cliché. Et moi j'ai repris ce cliché-là et ces clichés-là dans le bouquin parce que j'ai un petit peu passé en revue toutes les grandes thématiques de la sorcellerie, donc... Ça va du maléfice en passant par la poupée, en passant par le filtre d'amour, en passant par le bûcher. Tous les grands poncifs, je les ai utilisés pour en faire des histoires un peu drôles et grinçantes. Alors si on prend par exemple Sorcière, peut-être le feuilleter ensemble et voir quels sont les personnages qui traversent cet album Sorcière. Et en fait, c'est un recueil d'histoires courtes. Qui reprennent chaque fois un des grands thèmes de la sorcellerie. Donc ça va, du, comme je vous disais avant, de la malédiction, en passant par... Il y en a beaucoup, hein, j'ai pas les titres en tête. La divination, la malédiction, la cartomancie, l'envoûtement, l'amulette, la lune, parce que la lune, c'est aussi un grand cliché. La pleine lune, il se passe pas mal de trucs. Et le bûcher. Et en fait, le bouquin se finit sur le bûcher, parce que la plupart du temps, les pauvres sorcières n'ont pas vraiment de chance, elles finissent là-bas, quoi. Mais moi, je renverse un peu tout ça, je tourne tout ça en dérision un petit peu, je m'amuse. Qu'est-ce que la figure de la sorcière vous permet de dire de la société ? J'ai pas la prétention de dire des choses sur la société. Je me suis juste amusé avec cette thématique à montrer que l'humain peut être un peu bête et croire à tout et à n'importe quoi pour peu qu'on lui présente bien. Est-ce qu'il y a des dessinateurs qui vous ont inspiré ou est-ce qu'il y a des modèles de sorcières qui sont venus à vous ? Des modèles de sorcières, non, mais je sais que quand je travaillais là-dessus, j'étais assez affûté quand je me promenais dans la rue. Toutes les vieilles dames que je croisais, je les observais bien, je faisais des petits croquis et j'étais affûté pour ça. Donc automatiquement, je regardais, je cherchais mes personnages, je faisais mon casting dans la rue. Et oui, sur des photos, avec de la documentation. Donc automatiquement, j'allais vers des vieilles dames, oui. What is this? Speak. I am no witch. Get her from my sight. I'll not have her in this house. She is no witch, Catherine. What is the cause, daughter? Tell thy mother. I cannot know for certain. Thou told me well thou knew. I cannot look at her. Aye, but ye shall. Thomasin. Thomasin! Jonas and Mercy. They make covenant with the devil in the shape of Black Philip. Dost hear that? Ye black minions! Dost hear that, yoke devils? Wait! Fausto Fazulo, vous êtes rédacteur en chef de Mad Movies et collaborateur à Mauvais Genre. Lorsque je vous ai posé la question de la sorcière au cinéma, vous m'avez cité The Witch, un film américain de Robert Eggers sorti en 2015. Déjà, il faut savoir que la sorcière, finalement, n'occupe pas trop le terrain du cinéma fantastique, en tout cas contemporain. Donc c'est toujours assez précieux de trouver des illustrations récentes. Ce qui est fascinant en fait avec ce film-là, c'est que on a vraiment l'impression de voir sous nos yeux une chronique de la vie en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. On a une précision qui relève vraiment du documentaire, que ce soit dans le champ lexical, que ce soit dans l'utilisation justement d'un anglais ancien, que ce soit dans le soin apporté au costume. Là, on peut rebondir sur le passé de production designer de Robert Eggers, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui apporte un soin tout particulier aux détails. Et sans mauvais jeu de mots, on sait que le diable est dans les détails, justement. Ce qui fait que le spectateur, en fait, a plus l'impression de voir une sorte d'instantané de la vie quotidienne, pardon, en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle, plutôt qu'un film d'horreur lambda tel qu'on les conçoit aujourd'hui. Il y a une vraie rupture, en fait, stylistique. On est donc au XVIIe siècle, oui. Un demi-siècle avant les procès, le procès des sorcières de voilà, Salem. Exactement. On a quand même un peu ça en tête quand on va voir ce film. Exactement. On a effectivement cet écho-là. Le film se passe en 1630. L'histoire d'une famille qui se retrouve chassée de l'endroit où elle vivait parce qu'elle a taxé le clergé local de faux chrétiens. C'est le chef de famille, en fait, qui s'est fendu de cette remarque-là. Cette famille, donc, s'isole dans la campagne, vit en vase clos, coupée de tout contact extérieur, sauf avec les sorcières qui vont s'immiscer, en fait, dans leur vie quotidienne à travers le personnage de la jeune fille qui est incarnée par une comédienne formidable qui s'appelle Anya Taylor-Joy et qui s'appelle Thomasine dans le film. Et qui est vraiment le personnage qui cristallise toutes les tensions familiales, toutes les tensions sexuelles. C'est une famille très très puritaine. C'est une famille qui est extrêmement puritaine. Et d'ailleurs, le film dénonce d'ailleurs ce fanatisme religieux. Ce que nous dit Robert Eggers, c'est que quand on croit si fort en Dieu, fatalement, on croit tout aussi fort en fait en le diable. Et sa représentation ne sera que plus concrète à l'écran. Et alors, elle ressemble à quoi, la sorcière ? Elle ressemble exactement à l'image qu'on peut se faire d'une sorcière. C'est-à-dire que, à ce niveau-là, le film n'est absolument pas surprenant. En revanche, il est d'une crudité et d'un naturalisme tel on y croit à 200%. C'est-à-dire que cette sorcière-là, elle est telle qu'on l'imagine, pas autrement. Et en même temps, elle est retranscrite à l'écran avec une telle prégnance qu'on ne peut pas en douter de son existence. Et c'est la belle sorcière, enfin la sorcière cruelle qui fabrique un onguent. On ne sait pas si elle le fabrique à partir de sang ou de morceaux de chair d'un bébé, mais c'est la sublime sorcière tentatrice. Tout à fait, la corruptrice d'âme, dévoreuse d'enfants. Elle obéit effectivement à tous les clichés en fait qu'on peut avoir sur les sorcières. Mais ce qui est vraiment très très fort, c'est que on y croit à 200%, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment, en fait, où on remet en question ce qu'on voit à l'écran. Et cette crudité, ce naturalisme, j'insiste vraiment sur ce mot-là, en fait, fait que on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un film fantastique, en fait. On a l'impression de voir une chronique sociale qui serait traversée, en fait, d'éléments surnaturels. Mais ces éléments surnaturels nous sont présentés de manière tellement quotidienne qu'on y adhère totalement. Et ça rend le film tout à fait terrifiant, puisqu'il ne repose sur aucun effet sonore ou visuel ostentatoire. Ce n'est pas du tout un film « Bouffez-moi peur », bien au contraire. C'est un film qui nous présente de manière tellement crue des éléments choquants qu'on finit par les admettre totalement et on finit par être absolument terrifié. Il n'y a pas une figure de la sorcière, il y a une figure multiforme et qui va s'adapter en quelque sorte à la fois aux époques mais aussi aux exigences disons de la fiction telle qu'elle s'organise, au public, etc. Donc il y a quand même quelque chose de très très protéiforme dans cette figure, et surtout aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui elle est vraiment une figure presque universelle, donc on... C'est peut-être l'autre nom de la femme, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est tellement, tellement général, tellement générique. Puis on sait, bon, les mouvements féministes qui se sont emparés de ce nom. Et je voulais terminer parce que moi, je suis allée voir donc, le film « I'm not a witch ». Et la réalisatrice, Rungano Nyoni, était interrogée. Donc je voulais terminer juste là-dessus. On lui demande, mais qui sont les sorcières ? Alors on le sait bien, qu'est-ce que c'est qu'une sorcière ? C'est celle qu'on nomme sorcière. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on dise « c'est une sorcière » et on devient sorcière. Et elle dit, qu'est-ce que c'est que les sorcières ? Ce sont des femmes trop actives dans leur communauté, trop puissantes. C'est ne pas savoir quelle est sa place dans la société. Les sorcières sont juste des femmes qui essaient de créer quelque chose pour elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, si c'est aussi général que ça, mais il me semble que la sorcière représente toujours la femme qui est dangereuse parce qu'elle échappe à un ordre, en fait. C'est déjà ce que dit Michelet, d'ailleurs. C'est exactement ce que dit Michelet. C'est que la femme qui... tout d'un coup se révolte, qui va en marge, et ce n'est pas un hasard si elle se réfugie dans la forêt, si elle se marginalise presque elle-même, mais c'est parce qu'elle est aussi marginalisée par l'époque, par la société, elle devient la figure emblématique de cette sorcellerie qui serait justement une... que les démonologues ont appelé la contre-société et la lutte contre la société, en fait, ce serait une société marginale qui se révolte contre l'oppression sociale qui existe à l'époque. D'où l'utilisation du terme de sorcière et de l'image de sorcière plutôt que de magicienne, par exemple ? Parce que la magicienne n'est pas en révolte contre la société. Non, la magicienne, en plus, elle a simplement un savoir particulier, tandis que la sorcière, elle porte tout un imaginaire, non seulement de la révolte, d'un rapport très particulier à la vie des origines jusqu'à la mort. Donc elle est celle qui manipule les corps, donc elle est vraiment liée à cet espace de souffrance sociale. Mais oui, parce que moi je crois que j'ai été un petit peu trop générale quand j'ai dit qu'elle incarnait toutes les femmes. Elle incarne, et même probablement dans la littérature enfantine, une femme de la marge. Ouais. C'est-à-dire une femme qui vit seule, qui vit à part, qui a ses propres valeurs... Et donc c'est peut-être ça la sorcière finalement. Ça explique la fascination qu'elle exerce et aussi la possibilité de retournement positif de la sorcière auquel on assiste depuis Michelet en fait. Hein. Sorcières, une série documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret, aujourd'hui figure de sorcières, avec par ordre d'apparition Marianne Clausson, Nicole Jacques Lefebvre, Philippe Rouillet, Maxime Préau, Latifa Labissi, Christophe Chabouté et Fausto Fazulo. Lecture de La sorcière de Jules Michelet faite par Elina Levenson,